toi tous les deux ensemble, on était bien. Puis là, je me suis levé, la tête pleine d'idées. J'avais juste le goût d'aller me promener. J'ai pris mon casque, j'ai pris mon gousse. Je suis allé vers ma destinée. Là, j'ai rencontré quelqu'un à qui parler. J'ai dit bonjour à la serveuse du coin. Quand tout à coup, mon chum, mon voisin, est arrivé. Sa blonde venait de le laisser. Moi, je venais de sortir d'une grande relation. Là, tous les deux ensemble, on était bien.